Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La, la, la, la, la, la.